Chapitre 3e. Grâce à l'espèce de sacrifice de Cornelius van Elven, le capitaine Carlos Link ne quitta point l'armée et conserva son grade. Il fallait, devant l'opinion publique, une victime expiatoire pour l'affaire du Sandstrad. Cette victime, ce fut Cornelius. Le capitaine Flink continua à servir la Hollande, et Cornelius, accrochant la muraille son épée de capitaine, se contenta, comme il l'avait dit au ministre, d'être heureux, tout en poursuivant avec acharnement un but que bien d'autres eussent traité de chimère. Il y avait 6 ans déjà que l'aventure du Zandstraat était oubliée, et l'ancien capitaine des fusillés du Gepo Upas continuait à caresser le rêve qu'il avait, en amoureux jaloux d'un songe, voulu cacher au major général. Lorsque Cornelius van Elven, enfermé dans sa petite maison de Rotterdam, laissait échapper le secret de ses préoccupations constantes, de ses espoirs et de ses rêves, il n'y avait cependant point dans tout le royaume des Pays-Bas un homme plus éloquent que lui. Il n'était déjà plus le soldat d'autrefois, l'homme des prouesses froidement résolues. Son nom n'était pas oublié des soldats hollandais de la garnison de Batavia. Mais peut-être ces fantassins n'eussent-ils point reconnu leur ancien officier. Maintenant, Cornelius vivait loin du monde, penché sur d'immenses cartes géographiques, entre des map-mondes volumineuses, la plume ou le compas à la main, poursuivant on ne savait quel problème, alignant avec un acharnement passionné des chiffres après des chiffres. Quoique jeune encore, il avait tout au plus atteint la quarantaine, Cornelius ressemblait déjà à un vieillard. Ses cheveux étaient rares sur son crâne à demi dénudé, dont le front élargi et admirablement dessiné, vaste et beau, luisait comme de l'ivoire jauni. Ses tempes grisonnantes et sa barbe, qu'il portait entière, semée de fils d'argent, lui donnait, lorsqu'il était assis à sa table de travail, une calotte de velours sur la tête, l'aspect de quelque songeur de Rembrandt. Cet homme était beau d'ailleurs, blond, l'œil bleu rempli d'une flamme virile, et lorsqu'il laissait tomber son regard, du haut des fenêtres de sa demeure, sur la Meuse aux eaux vertes qui coulaient, rapide, devant son logis, on devinait facilement que ce n'était pas sur les bateaux en marche ou à l'ancre qu'il fixait ses prunelles, mais plutôt sur quelque chose d'invisible aux autres yeux, de lointain et d'immense, qu'il entrevoyait lui, comme le voyant aperçoit le fantôme. Il y avait tout un monde de visions dans l'œil clair de Cornelius van Elven. L'ancien capitaine des bataillons de Batavia poursuivait la solution de quelques problèmes étranges. Il vivait retiré, avec sa chère Margaret, une vieille cuisinière et deux domestiques, dans sa demeure du quai des Bomjik. Les petits arbres, logis coquets, d'une propreté étincelante, aux acajous brillants, aux miroirs sans mouchetures, aux boutons de porte polis comme du cristal jaune, et dont il avait fait un véritable musée de curiosités artistiques ou scientifiques, tapissant les murailles de l'habit géographique exécuté par lui-même, suspendant à côté des faïences de Delft, aux chinoiseries bleues et gaies, des armes de Java, des kris malais, des sabres japonais à la poignée nattée d'argent ou de grands plats de cuivre repoussés, orné de l'énorme grappe de raisin de Canaan, qui est comme la marque distinctive des cuivres hollandais. Entouré de ses objets d'art et gardant toujours à portée de sa main ses instruments de travail, règles, boussoles et compas, Cornelius van Elven était heureux. La poésie chez lui était d'ailleurs fort joliment représentée par des fleurs toujours fraîches, des tulipes aux larges pétales striés de rouge et de jaune, hautes sur leurs tiges vertes, et par cette femme jeune, toujours adorable, qui passait, dans cette calme maison hollandaise, comme un rayon de soleil électrique et réchauffant. La beauté de Madame van Elven était célèbre à Rotterdam, et la jolie créole, qui faisait jadis tourner toutes les têtes lorsqu'elle passait sous les grands arbres de la rue centrale de Batavia, eût encore brillé au premier rang si, malgré sa fortune et pour plaire à son mari, elle ne se fût volontairement confinée dans sa belle maison des Compjik. Cornelius vivait donc heureux. Il avait trouvé le bonheur dans le calme et dans le rêve. Il aimait à s'enfermer seul dans son cabinet de travail, et parfois il laissait Margaret s'y glisser et venir déposer un baiser sur son front penché. « Tu travailles trop, Cornelius, » disait la jeune femme avec une expression de bonté profonde. Il relevait la tête, souriait de son beau sourire grave et répondait « On ne travaille jamais assez, la vie est si courte. » Alors, quand Margaret lui demandait vers quel but il marchait avec tant d'acharnement depuis des années, Cornelius van Elven semblait se transfigurer. Ses traits placides et lourds prenaient soudain une expression vraiment inspirée, et l'ancien combattant des chasseurs de tête se mettait à parler, avec une éloquence chaude et une foi vibrante, des mystères que la nature cachait encore à l'homme et que l'homme devait un jour pénétrer. Il disait les contrées inconnues, les terres ignorées, les déserts immenses. Il montrait à Margaret éblouie tout ce que cet être fragile et nu, jeté sans défense sur l'écorce terrestre, l'homme, avait déjà trouvé et ce qu'il lui restait encore à découvrir. Puis, comme un amoureux qui eût tiré de sa poitrine l'image de la femme aimée, comme un prêtre qui tout à coup eût découvert l'autel adoré, Cornelius, enfiévré, ardent, ses yeux bleus jetant des éclairs, le geste élargi, la voix vibrante, révélait à Margaret le secret de ses recherches.